Alors il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela : Ne vous avais-je pas interdit cet arbre ? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré ?